Le moment micro-trottoir sur Radio Côte Basque, c'est Marie Kwitsou. Alors nous, on est sur le marché de Bayonne pour faire un peu de promotion, de communication au niveau du festival de jeux qui va se dérouler samedi prochain, même la veille au soir, le 27 au soir et le samedi 28 mars à la MVC de Bayonne Centre-Ville. Un festival de jeux convivial, familial, où il y aura de tout jeu pour tout public. Donc ce n'est pas que pour les enfants, il y a aussi également des jeux pour adultes. Je crois que c'est la quatrième édition de ce festival des jeux à Bayonne. Et c'est donc à la MVC du centre-ville, 11 bis rue Georges Bergès à Bayonne. Pour les adultes, on va pouvoir trouver par exemple quel type de jeu. Alors il y en a vraiment pour tous les goûts, il y a du jeu de rôle pour de l'initiation comme pour les férus. Il va y avoir donc tout un stand d'initiation à 12 jeux qui ont été sélectionnés avec les partenaires, notamment avec Eshkol Turnover qui est une association que nous accueillons et qui organise avec nous ce festival. Il y aura des jeux traditionnels basques, de l'initiation aux mouches. Il y aura également, effectivement, mon collègue me tend l'affiche le vendredi soir déjà, le club Question pour un champion qui organise avec la fameuse la tête d'affiche Joël qui a gagné, donc à tout le monde de prendre sa place. Extra, ça. Ah oui, exactement. Donc il y aura aussi des jeux pour les plus petits avec des parcours de motricité, livre-jeux avec libre-plume. On en aura vraiment pour tous les goûts, des jeux extérieurs, des jeux intérieurs, des échecs, de la peinture de figurines. Bref, on a un programme qui est disponible si on flashcode l'affiche ou qui peut se retrouver de toute façon sur le site aussi de la MVC et d'Eshkol Turnover. Ouais, c'est génial, hein. C'est encore un beau week-end animé le week-end prochain à Bayonne. Les élections seront passées. Gageons que les gens aient envie de se détendre après ce moment un peu intense et qu'il y ait beaucoup de monde. Donc on se donne rendez-vous donc dès vendredi prochain, 27 mars à 21h pour Question pour un champion, suivi le lendemain par une grande journée récréative à la MVC avec des jeux pour tout le monde et pour tous les goûts. Merci Tommy, et merci, bonne journée et bon week-end à Bayonne. Merci beaucoup.